La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Des origines animales à nos jours, l'histoire de l'intelligence s'est développée au fil de l'évolution. Un parcours que l'on préfère commencer il y a bien longtemps, il y a 3,5 milliards d'années au moins, lorsqu'est apparue la vie sur Terre. Et pendant longtemps, l'intelligence est restée quelque chose d'impalpable, d'immatériel, dont on ne comprenait ni l'origine ni le développement. Mais les choses ont bien changé, des fenêtres se sont ouvertes, avec les progrès de l'imagerie entre autres, permettant de visualiser le cerveau en fonctionnement. Les éditions Robert Laffont ont réuni le neuroscientifique Stanislas Dehaene et le chercheur Yann Lequin pour un dialogue inédit. Et ils retracent ensemble le parcours de l'intelligence pour en évoquer l'émergence jusqu'aux dernières avancées avec l'intelligence artificielle. Ils sont mes invités dans un instant et ils répondront à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, un sujet qui devrait justement intéresser nos invités. Oui, aujourd'hui on va parler du poids des inégalités socio-économiques sur le développement du langage des enfants. Et vous avez un invité pour cela, on la présentera dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 consacré ce soir à Tout en Camon. Fanny Boyon est aux commandes de l'émission, préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. La plus belle histoire de l'intelligence, ce sera donc le dossier dans un instant avec mes invités Stanislas Dehaene et Yann Lequin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Stanislas Dehaene. Est-ce qu'on peut dater finalement l'apparition de l'intelligence sur Terre ? C'est très difficile parce qu'il faudrait d'abord la définir. Mais disons que la définition qu'on utilise dans le livre, c'est la notion d'adaptation. Il y a intelligence dès qu'il y a une adaptation du comportement au milieu. Ça commence donc extrêmement tôt, évidemment, probablement chez des organismes déjà unicellulaires qui n'ont pas de cerveau, mais qui ont des réseaux de transmission d'informations, des réseaux moléculaires. Donc on va carrément au début de la vie. Et alors de l'autre côté, finalement, beaucoup plus proche de nous, Yann Lequin, l'intelligence artificielle. Justement, à quel moment l'intelligence est entrée dans ce champ-là précis qui vous intéresse autant ? Alors c'est pareil, c'est pas très facile de retracer ça depuis le début. L'intérêt des ingénieurs, disons, pour des tâches intelligentes remonte au début du XXe siècle et puis même plus tôt, peut-être, avec les intelligences mécaniques, les automates, etc. Le mot ou la phrase intelligence artificielle date de 1956. Ça, on peut le dater très précisément, effectivement. Voilà. Ouais. Et c'était un courant dans l'informatique qui s'est un petit peu séparé en deux par la suite. Donc certaines branches de l'intelligence artificielle effectivement recouvrent ce dont vient parler Stanislas, qui est la capacité d'adaptation, mais certaines branches en fait n'ont absolument pas ces capacités d'adaptation, servent simplement à résoudre des problèmes compliqués. Et nous serions donc dans une nouvelle étape de l'évolution, on va largement en discuter ensemble tout à l'heure avec toutes les questions inhérentes à ce sujet et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Voilà un enfant qui babille à la une de la science, donc Héloïse Rambert. L'acquisition du langage, des mots, est tout un processus qu'on va découvrir avec vous et votre invité. Oui Mathieu, et tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que nous montre un article qui vient de paraître dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Les chercheurs ont voulu savoir si en France, les inégalités sociales marquent les individus dès le plus jeune âge. Et la réponse est oui. Ils ont travaillé sur une cohorte de 18 000 enfants et ont noté qu'à l'âge de 2 ans déjà, il existe des différences notables dans le développement du langage entre les enfants issus des milieux les moins favorisés et les plus favorisés. Pour en parler, nous sommes avec Lydia Panico qui a co-signé l'article. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, quels sont les critères que vous avez retenus dans vos travaux pour vraiment déterminer le niveau socio-économique des ménages ? Alors, ceci se peut se mesurer effectivement avec des indicateurs très différents. Nous avons retenu ici l'éducation des parents, donc le niveau de diplôme le plus élevé détenu par les parents, et par les revenus du ménage, donc c'est-à-dire tout ce que les parents perçoivent, leur salaire, leurs prestations sociales, etc. Et parallèlement, donc de l'autre côté de l'étude, vous avez évalué ce que vous appelez le volume langagier des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous avez procédé pour cela ? Dans l'étude ELF, nous avons à disposition une échelle qui s'appelle la MacArthur-Bates. C'est une échelle qui est utilisée depuis très très longtemps dans différents pays et qui a été validée en France depuis déjà une dizaine d'années, même plus. Et donc c'est une échelle qui propose aux parents une liste de 100 mots. Mots du quotidien de l'enfant comme bateau, chat, etc. Et le parent doit dire si l'enfant peut prononcer ce nom de manière spontanée, même s'il fait des petites fautes, si la prononciation n'est pas parfaite. Et nous avons trouvé qu'en moyenne, les enfants elfes aux 2 ans pouvaient dire 74 mots parmi les 100 proposés. Sur les 100. Ceux qui sont les enfants qui étaient issus des familles les plus favorisées en connaissaient en moyenne 80. Tandis que ceux issus des familles les plus défavorisées en connaissaient en moyen 70. C'est quelque chose d'important, c'est notable comme différence ? Oui, c'est, pour ceux qui comprennent un peu de statistiques, c'est respectivement un demi-écart type. Ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que c'est des écarts qui sont comparables à des écarts qu'on retrouve déjà, qu'on retrouve au collège par exemple, où les différences sont à peu près d'un écart type. Dans des écarts statistiquement significatifs et déjà importants en taille. Et alors, ces différences importantes, est-ce qu'on a des éléments d'explication ? Comment ça s'explique ? Est-ce que vous avez des pistes ? Oui, tout à fait. Donc l'étude, je veux préciser d'abord que c'est une étude descriptive et donc il propose des pistes, comme vous dites, mais pas encore des résultats certes. Nous montrant qu'une petite partie de ces écarts sont simplement expliqués par des caractéristiques sociodémographiques différentes dans ces groupes, telles que la taille de la fratrie, la santé de l'enfant à sa naissance, le statut migratoire des parents, l'âge des parents. Donc une petite partie est juste due à la composition différente de ces groupes. Une deuxième partie, on a fait un petit focus dans cet article sur les modes de garde. Et vous montrez que quand les enfants vont à la crèche à partir d'un an, ça les tire vers le haut, si on peut dire ? Tout à fait. Il semble qu'une partie des écarts peuvent s'associer à le mode d'accueil que l'enfant a été proposé à un an. Stanislas, nous, on aimerait bien évidemment avoir votre réaction sur cette étude. Comment vous interprétez-vous ces résultats ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, on sait qu'il y a des déterminismes sociaux qui sont importants. Mmh. Ce qui m'intéresse aussi dans cette étude, c'est que d'autres études montrent que ça va avoir un impact par la suite, et notamment sur la scolarisation et l'apprentissage de la lecture est assez largement déterminé par le vocabulaire de l'enfant. Donc on est vraiment dans une causalité qu'il faut essayer de briser. On sait aussi que ça a un impact sur le cerveau des enfants. Et ça, il y a plusieurs études récentes qui ont montré que la myélinisation, c'est-à-dire l'entourage des axones par des gaines d'isolant qui facilitent la transmission de l'influx nerveux, donc en quelque sorte l'anatomie fonctionnelle du cerveau est modifiée en fonction de la taille du vocabulaire de l'enfant et du fait qu'on lui lise des histoires le soir, par exemple. Surtout que là, on est dans un âge absolument essentiel du développement de l'enfant. Hein. 2 ans, absolument. Ouais. C'est un âge d'extrême plasticité. C'est un âge où il y a un pic de production de synapses. J'en parle dans mon autre livre, qui est le livre Apprendre. Il y a un pic de plasticité, puis ensuite on va sélectionner les axones et les synapses qui sont pertinents. Et donc il est probable qu'à cet âge, on va déjà modifier profondément l'enfant et le cerveau de l'enfant lorsqu'on lui enrichit son environnement en vocabulaire. Et j'ai parlé de cette étude en disant il faut parler, il faut lire à ses enfants. On sait que il y a quand même des relations causales importantes, même s'il y a beaucoup de facteurs que vous avez listés. L'un d'entre eux, c'est la quantité de langage que reçoivent les enfants. Et il y a trop de familles encore qui ne le savent pas, ça peut paraître évident. Le volume langagier. Mais il faut parler à ses enfants, il faut parler avec un vocabulaire riche, sans sous-estimer les extraordinaires capacités de compréhension qu'ils ont déjà à cet âge-là. Et alors, passé l'âge de 2 ans, les enfants vont aller à l'école. Est-ce qu'on peut espérer que l'école va gommer ces différences ou au contraire, elle risque de les creuser, Lydia Panico ? Oui, donc notre étude ne peut pas encore répondre à ceci. Les enfants que nous suivons sont nés en 2011, donc commencent leur scolarité. Mais bien sûr, nous permettrons de donner une réponse très précise à ce type de questions. Néanmoins, il y a des études qui peuvent donner des réponses à ça. Notamment le rapport de l'UNICEF qui vient de sortir tout récemment sur les inégalités scolaires chez les enfants dans les pays plus riches montre que selon le pays qui est étudié, il y a des systèmes scolaires qui arrivent à gommer ces écarts initiaux et d'autres qui n'arrivent pas et même les creusent. Et la France n'est pas très bien placée dans ça. La France n'est pas très bien placée ici, tout à fait. Il y a aussi une question au président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, Stanislas Dehaene, pareil, sur l'apport de l'école, évidemment. Bien sûr, mesure, ça dépend de ce qui est fait dans les classes, et donc on se penche actuellement avec le Conseil sur ce qui est fait. On s'est plutôt penché jusqu'à présent sur le CP, l'introduction de la lecture. Il y aura bientôt une recommandation, je l'espère en tout cas, un consensus sur l'introduction de la lecture, mais bientôt il y aura la scolarisation obligatoire à 3 ans, enfin, et en maternelle, la maternelle obligatoire, et là c'est très intéressant d'essayer d'enrichir au maximum ce qui est fait, tout en sachant qu'on a une bonne maternelle en France, hein. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire encore plus d'activités proto-mathématiques, encore plus de lecture d'histoire? Est-ce que tous les enfants pourraient partir, par exemple, tous les vendredis soirs, avec un livre chez eux, qu'ils lisent eux-mêmes ou qu'on leur lise, mais qu'on puisse, de cette manière-là, essayer de gommer ces inégalités? Merci beaucoup, en tout cas, pour les commentaires de cette étude. Et puis, Héloïse Rambert, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science. À demain, Mathieu. C'était Binkley Bill à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, la plus belle histoire de l'intelligence, c'est donc ce livre chez Robert Laffont qui réunit le neurobiologiste Stanislas Dehaene, le chercheur Yann Lequin pour un dialogue croisé orchestré par le journaliste et écrivain Jacques Girardon. Et Stanislas Dehaene et Yann Lequin sont nos invités donc pour poursuivre finalement cette discussion avec vous, vos messages sur franceinter.fr. Stanislas Dehaene, professeur donc au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Vous êtes aussi directeur du centre Neurospin et président donc du conseil scientifique de l'éducation nationale. Et Yann Lequin, donc directeur scientifique en intelligence artificielle chez Facebook et professeur à l'Université de New York. Vous êtes spécialiste de neurones artificiels, chef de file donc du deep learning, l'apprentissage profond dont on a déjà parlé avec vous dans cette émission. Et les auditeurs donc nous rejoignent avec les messages. Stanislas Dehaene, est-ce que le titre du livre finalement n'aurait pas dû être la plus belle histoire des intelligences, tellement les formes et les définitions d'ailleurs sont multiples? Peut-être, c'est vrai qu'on remonte très très loin dans ce livre, vraiment au tout début de l'intelligence, et puis on parle de l'intelligence naturelle aussi bien que de l'intelligence artificielle. Oui. Mmh. Il y a quelque chose de commun qui est cette idée d'être capable d'extraire de l'information de son environnement. Ouais. Mais on apprend aujourd'hui finalement le foisonnement de ces intelligences, parce que de la cellule à l'humain, il y a vraiment un choix absolument incroyable. Oui, et encore, on n'a pas parlé de l'intelligence des plantes, et j'ai appris récemment qu'il y avait tout un domaine de recherche très intéressant qui s'appelle à tort d'ailleurs la neuroscience des plantes. Il n'y a pas de neurones dans les plantes, mais il y a des réseaux de communication intelligents. Ouais. Mais vous en parlez un tout petit peu, hein. Vous dites qu'il y a quand même des messages chimiques qui sont envoyés par les plantes entre elles. Oui, absolument. À partir du moment où il y a communication d'information et traitement de l'information, je pense qu'on peut parler d'intelligence. Alors c'est vrai qu'au départ ce sont des réseaux moléculaires, chimiques, et puis les neurones apparaissent comme une manière efficace de transporter cette information de façon rapide d'un point à un autre. Si on se repose juste sur la diffusion des molécules, c'est très lent. Ouais. Et là on a un système qui devient de plus en plus efficace pour prendre l'information dans un organe spécialisé comme l'œil, puis l'envoyer à distance dans le cerveau. C'est le début du cerveau. Yann Lequin, l'idée du livre aussi, hein, c'était finalement de vulgariser et de partager avec le grand public toutes ces connaissances, parce que là il y a quand même un point de vue très large sur la question. Hein. Oui, l'intelligence est un vaste sujet. Beaucoup des chercheurs d'intelligence artificielle, d'ailleurs, s'intéressent aussi à l'intelligence humaine et l'intelligence heureusement animale, et s'en inspirent. Ouais. C'est un petit peu l'idée derrière. C'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux artificiels, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning aujourd'hui. C'est une sorte d'inspiration de la biologie pour l'intelligence des machines. Ouais. Et de quelle façon l'intelligence humaine peut inspirer l'intelligence artificielle alors aujourd'hui? Parce que ça m'intéresse de vous poser la question dans ce sens-là. Alors en fait, on s'inspire plutôt de l'intelligence des animaux parce qu'on n'en est pas au point de pouvoir reproduire l'intelligence humaine, sauf dans des domaines très très pointus, très précis, comme par exemple jouer au go, aux échecs ou à des jeux de ce type-là, où on peut en fait réaliser des algorithmes qui peuvent faire l'exploration suffisamment rapidement pour permettre aux machines de jouer aux échecs, par exemple, ou faire la recherche d'informations. C'est aussi un petit peu de l'intelligence, ou même ce que font tous nos GPS pour planifier une trajectoire entre une ville et une autre. À une certaine époque, ça faisait partie de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est simplement un algorithme. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on associe la notion d'intelligence à la notion d'apprentissage. Donc, ce qui a fait faire des progrès récemment à l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'entraîner les machines, donc qu'elles puissent apprendre par elles-mêmes. Ouais. Mais alors, Stanislas Dehaene, en quoi le cerveau humain est tellement complexe qu'on ne puisse pas justement le prendre comme exemple et qu'on se retourne finalement vers l'éthologie? Il y a des phénomènes supplémentaires dans le cerveau humain. Certains d'entre eux commencent à être capturés par les machines, mais pas tous. Alors, un des phénomènes qui a été bien capturé récemment par les machines, c'est celui de l'attention. On est capable de sélectionner une information dans le monde extérieur. Il y a énormément d'informations qui parviennent à notre rétine, mais il y a une toute petite partie qui devient consciente parce qu'elle est filtrée par l'attention. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé de voir qu'enfin, l'intelligence artificielle inclut maintenant l'attention et l'apprentissage de l'attention dans les réseaux de neurones avec une efficacité extraordinaire parce qu'on ne traite plus toute l'information, on n'en traite qu'une fraction. Ouais. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il y a encore beaucoup d'autres choses dans le domaine de l'intelligence naturelle de l'homme. Et on pense d'ailleurs que l'espèce humaine a vraiment une sorte de singularité. Il y a quelque chose qui s'est produit qui a franchi un seuil. En tout cas, moi, c'est ce que je pense personnellement pour en discuter. Alors, ça s'est passé quand et c'est quoi ce seuil dont alors, quand, vous faites allusion? On ne sait pas très bien parce que l'hominisation, c'est 3 millions d'années, alors que l'espèce sapiens, c'est beaucoup plus récent. On a déjà, par exemple, des formes de dessins géométriques absolument minimaux, mais néanmoins reconnaissables, ou même d'ailleurs le calcul des bifaces, les objets en pierre qu'on trouve tout au long de la préhistoire, qui sont quand même très anciens. Ça peut aller jusqu'à 1 million 6 d'années. Donc c'est avant Homo sapiens. Ouais. Et on pense que, personnellement, moi, la piste de recherche que je suis au laboratoire, c'est qu'il y a une sorte de langage interne qui s'est développé pour recombiner ce qu'on a découvert par ailleurs. Donc il y a une sorte de spécialisation cérébrale chez l'animal, ou d'ailleurs spécialisation dans les réseaux de neurones qui sont simulés par Yann. Mais chez l'homme, il y a cette capacité de prendre ces informations et de les composer. Et d'ailleurs, René Descartes avait déjà eu cette introspection extraordinaire. Il disait, mais l'homme compose ses connaissances d'une manière que ne font pas les animaux. Le langage permet de composer les connaissances. Donc il y a quand même une singularité humaine. Là, il y a quelque chose de particulier. Oui. Ce n'est pas seulement d'ailleurs la capacité de communiquer à d'autres nos connaissances par le biais du langage parlé, mais c'est aussi la capacité de formuler dans nos propres pensées, à l'intérieur d'un seul cerveau, des pensées scientifiques. Par exemple, la science n'existe que dans l'espèce humaine. C'est la capacité de formuler jusqu'à ce niveau d'abstraction le plus élevé possible des découvertes qu'on fait sur le monde extérieur. Pourtant, vous dites, Stanislas Dehaene, que l'homme n'est pas le point culminant quand même de l'intelligence. Donc, faut bien interpréter ce que vous êtes en train de nous dire. Personne qui croit à l'évolution croit qu'il y a un point culminant. Mmh. Non, c'est un buisson et nous sommes une des branches de ce buisson. Mais sur le plan de l'intelligence, pour l'instant, nous extrayons plus d'informations du monde extérieur que les autres espèces. Je dis pour l'instant parce que j'ai bien peur que les machines de Yann un jour ne nous dépassent. Est-ce qu'on en est loin, Yann Lequin, quand même ? On est très loin de pouvoir construire des machines qui ont l'intelligence générale humaine, donc qui ont cette capacité de raisonnement. En fait, l'histoire de l'intelligence artificielle est un petit peu amusante parce qu'il y a eu deux mouvements. Un mouvement qui est parti du haut, donc qui a essayé de reproduire les mécanismes de raisonnement logique et de raisonnement dont parle Stanislas, qui sont spécifiques à l'espèce humaine. C'est ce qui a mené à ce qu'on a appelé les systèmes experts, les systèmes capables de jouer aux échecs, etc. Et puis il y a eu une autre branche de l'intelligence artificielle qui a essayé de prendre le problème à la base, c'est-à-dire essayer de reproduire les capacités d'apprentissage d'animaux très simples, et puis ensuite de faire des progrès dans ce domaine-là. Oui. Alors cette deuxième branche, c'est celle qui maintenant a beaucoup de succès, dont on parle beaucoup, et elle essaie de, pendant très longtemps, elle a un petit peu végété. On réussit depuis quelques années en fait à entraîner ces systèmes à faire la perception. Donc n'importe quel animal est capable de faire la perception visuelle, auditive. Mmh. On sait reproduire ça avec les machines maintenant. On sait même le reproduire pour certaines tâches d'une manière qui est plus précise en fait que les performances humaines pour des tâches très très étroites. C'est-à-dire quel type de tâches pour comprendre ? Donc par exemple, pour la plupart des gens, si on leur donne une image où on leur montre un petit insecte, on leur demande quelle espèce vient cet insecte ou une feuille d'un arbre, quelle feuille c'est. La plupart des gens auront beaucoup de mal à connaître ça, ne sont pas des experts. Bien sûr, la machine, elle le fait très bien. Mais on peut entraîner une machine à faire ça, elle le fera très bien. Peut-être introduire une petite nuance, parce qu'évidemment, la machine a été exposée à des connaissances bien plus élaborées que ce qu'un être humain a le temps d'apprendre. Elle a beaucoup plus de données, disons. Elle a plus de données. Par contre, la perception, ça va au-delà de ça. Par exemple, nous sommes capables de percevoir qu'il y a un cheval présent dans la scène sur la base d'informations très partielles, avec occlusion, par exemple, quand quelque chose est caché. Et ça, la machine ne pourrait pas le faire. Et pour l'instant, les machines n'atteignent pas tout à fait les performances humaines. Elles n'atteignent pas les performances humaines. Elles savent le faire dans certaines mesures, mais elles n'atteignent pas les performances humaines pour ce genre de tâches un petit peu générales dans lesquelles l'information est un petit peu difficile à trouver. Donc ça fait des progrès, mais ça fait des progrès à partir de choses qu'on ne considère pas, que la plupart des gens ne considèrent pas comme des tâches intelligentes. La perception visuelle est tellement automatique qu'en fait elle est en conscience, elle est du niveau du sous-conscient, et on ne considère pas ça comme des tâches intelligentes, mais en fait ce sont des tâches très très compliquées. Donc, on sait reproduire ça avec ces réseaux de neurones. Ce qu'on ne sait pas encore reproduire très bien, c'est les mécanismes de raisonnement abstrait dont parlait Stanislas, qui sont peut-être propres à l'espèce humaine. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, en particulier pour permettre des systèmes de dialogue qui permettraient de dialoguer, d'aider les gens dans leurs tâches journalières. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est entraîner les machines à acquérir une quantité de savoir très large sur le fonctionnement du monde, ce qu'on appelle communément... Ah bon ? Ça c'est étonnant pourtant, puisque justement on a l'impression qu'on peut donner des milliards d'informations à une machine. Oui, mais c'est toujours très spécialisé. Ouais. Donc c'est toujours pour des tâches vraiment très précises. C'est-à-dire, par exemple, on peut entraîner une machine à reconnaître des images, à conduire une voiture, etc. Elle pourra peut-être le faire mieux qu'une personne, à condition d'avoir suffisamment de données d'entraînement. Mais par contre, cette machine n'aura pas de bon sens, elle n'aura pas d'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence générale. Ça, on ne sait pas encore le faire. Et la raison probable est qu'on n'a pas les mécanismes d'apprentissage généraux qui sont présents dans les animaux et les humains. On n'a pas encore réussi à les reproduire dans les machines. On ne sait faire que deux types d'apprentissage. Il y a un troisième qu'on ne sait pas faire encore. C'est quoi ? Alors, il y a deux types d'apprentissage. Il y a un type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Donc, on va entraîner une machine, par exemple, à reconnaître des images, classifier des images de chiens, de chats, de tables, de chaises. On a des milliers d'exemples d'images de chiens, de chats, de tables, de chaises qui sont toutes étiquetées avec leur catégorie. On montre une image d'un chien à une machine. on attend de savoir la sortie qu'elle produit. Si la sortie est chien, on fait rien. Si la sortie est différente, on dit à la machine, tu t'es trompé, la sortie est chien. Et elle ajuste tous ses paramètres internes pour que la prochaine fois qu'on lui montre la même image, la sortie soit plus proche de celle qu'on veut. Donc ça, c'est avant de ça superviser, on donne à la machine la réponse. Ça marche très bien, ça consiste... disons que c'est le principe de base de la plupart des applications de l'apprentissage machine, de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour la vision, la traduction, la détection de tumeurs dans les images médicales, etc., les voitures autonomes, tout ça. Voilà, c'est pas du tout comme ça que fonctionne un bébé humain, par exemple, qui est capable de... on se focalise beaucoup sur l'apprentissage, mais en fait, ces machines, qu'elles apprennent, c'est déjà formidable, mais elles apprennent avec une lenteur incroyablement plus grande. Ah bon, mais c'est marrant, ça donne exactement le sentiment contraire. Ah non, elles ont besoin de... D'ailleurs, en ce moment, on confond intelligence artificielle et big data. Parce que c'est vrai, ce qui a permis les progrès, en grande partie, c'est l'existence de très grands jeux de données. Mais en réalité, le cerveau humain, lui, n'a pas besoin de big data. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage du vocabulaire chez l'enfant. Un enfant va apprendre 10 ou 20 mots par jour, tous les jours, très facilement. Ça veut dire qu'il a extrêmement peu d'informations. Il entend un mot une fois, deux fois, trois fois, et il trouve quelle est l'intention du locuteur. Et voilà. Donc il fait beaucoup plus un raisonnement qu'un travail statistique du type que décrit Yann. Ah, il faut se méfier quand Stanislas parle de lenteur, c'est-à-dire que c'est pas la lenteur en termes de minutes ou secondes ou d'heures, c'est de lenteur en termes de nombre d'exemples qu'on doit voir pour entraîner une machine. C'est-à-dire que effectivement pour entraîner une machine à reconnaître des images de toutes les catégories d'insectes, il suffit de passer sur quelques milliards d'images et ça prend quelques jours. Alors on peut pas faire ça avec les humains, ça prend des années à devenir expert dans ce genre de choses. Donc il y a une deuxième catégorie d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et l'apprentissage par renforcement ne consiste pas à dire à la machine voilà la réponse correcte, mais à lui dire quand elle produit une réponse, ta réponse est bonne ou mauvaise. On lui donne une espèce de récompense. On la punit aussi. Enfin bon, c'est selon si la quantité est positive ou négative. Alors là encore, ça ressemble déjà peut-être un petit peu plus à un animal qu'on dresserait ou quelque chose comme ça. Mais la plupart des apprentissages, même chez l'animal d'ailleurs, ne dépendent pas du renforcement. Il y a un renforcement interne qui est lié à la curiosité. Donc, l'organisme s'oriente vers des informations nouvelles de l'extérieur et essaie de les absorber spontanément. Donc, on n'est pas encore là dans le... C'est pas encore le bon système. Chacun défend son corps, en tout cas, au micro de la tête au carré. Cet apprentissage-là est encore plus inefficace que l'apprentissage supervisé à l'heure actuelle, parce que... Donc, c'est ce qui permet, par exemple, aux machines, maintenant, d'apprendre à jouer au Go. Il y a le système AlphaGo, nos amis DeepMind, ils ont aussi entraîné un système à jouer aux échecs, qui a des performances surhumaines, qui peut les atteindre en quelques heures d'entraînement, mais dans cet intervalle, qui a joué des millions de parties. Donc, c'est très inefficace dans le monde réel. On ne peut pas utiliser ça pour entraîner une voiture à se conduire, par exemple. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion sur les chemins de l'intelligence avec vous, Stanislas Dehaene et Yann Lequin. Une flamme dans la main nous éclaire le visage. Sur le rivage, enfin. Et Nouveau Sauvage, c'était Rameau à l'instant. La tête au carré sur France Inter. À la droite de l'écran, le champion du monde de jeux de Go marque son impuissance. Il vient de perdre à nouveau face à un ordinateur. Hier soir, chez lui en Corée du Sud, Lee Sedol s'est incliné dans cette manche décisive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma défaite. Mais ce n'est pas la défaite de l'humanité. Il a fallu un peu plus de 4 heures pour AlphaGo, c'est le nom du programme informatique conçu par Google pour venir à bout du meilleur joueur de Go de la planète. Une victoire qui surprend même les concepteurs de cette intelligence artificielle. Pour être tout à fait honnête, nous sommes stupéfaits, sans voix. Lee Sedol a perdu une nouvelle fois de manière incroyable. AlphaGo a exploré de nouveaux territoires. Il y a 20 ans, Kasparov, le champion d'échecs, perdait pour la première fois face à une machine IBM. C'était à l'époque la puissance du calcul qui faisait la différence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va au-delà avec le jeu de Go, où il existe 10 puissances 100 fois plus de possibilités que dans le jeu d'échecs. Voilà, ça c'était en 2016, ça a marqué tous les esprits. Stanislas Delanne et Yann Lequin sont à mes côtés pour parler de la plus belle histoire de l'intelligence. Yann Lequin, vous évoquez justement à plusieurs reprises cet événement, et puis celui d'IBM aussi face à Kasparov, beaucoup plus tôt. Ça c'est une vraie blessure narcissique finalement pour l'humain de se faire battre par la machine, non ? Surtout en Asie où le Go est pratiquement une religion, ouais. Mais même pour les échecs dans l'Ouest. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux événements en fait ont utilisé des classes de techniques complètement différentes. C'est-à-dire que le système d'échecs qui a battu Garry Kasparov en 1997 n'était pas du tout basé sur l'apprentissage. C'était des experts qui ont programmé le système, qui fait une recherche arborescente. On peut se permettre ce genre d'approche avec les échecs, ça ne marche pas pour le Go. Et pour le Go, on était obligé d'utiliser des méthodes d'apprentissage profond. En fait, même une technique que j'ai inventée qui s'appelle les réseaux convolutifs, qui est appliquée normalement à la reconnaissance d'images et qui, dans ce cas-là, a été appliquée à la prédiction d'un coup à partir de l'image d'un échiquier de Go. Ouais. Mais alors, Stanislas Delanne, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans les circonvolutions du cerveau humain là, de ce joueur coréen pour qu'il se fasse battre par la machine alors ? Qu'est-ce qu'il n'a pas su explorer finalement ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Je ne sais pas répondre. Je pense qu'il y a une partie aussi d'émotion, parce que c'est évidemment, ça fait partie de la difficulté du cerveau humain de rester concentré pendant 4 heures. Et au jeu de Go, le moindre coup de travers ne pardonne pas. Je suis moi-même très impressionné par les performances de AlphaGo, et surtout AlphaGo 0 maintenant, qui est la nouvelle version. Puisque d'abord, il y a une vraie forme d'intuition. C'est-à-dire que la machine a une reconnaissance d'image, et quand elle regarde la carte du jeu de Go, le Goban, elle a une intuition des coups qui sont bons et des coups qui sont mauvais. Elle va encore explorer un petit peu pour voir si c'est vrai ou pas, mais elle a déjà cette forme de reconnaissance du joueur expert. Et puis alors, AlphaGo 0 part de pratiquement rien, pas rien, il y a une vraie architecture quand même, mais disons qu'il apprend énormément et il retrace toute l'histoire de l'humanité. Il y a quand même eu plus d'un millénaire de réflexion sur le jeu de Go, d'experts, d'enfants qui ne font que ça. Et il retrace tout ça en quelques heures. Et au bout de quelques heures, le logiciel est meilleur que n'importe quel être humain et continue de découvrir. Il a découvert des espaces de jeu auxquels aucun être humain n'avait pensé. Donc Lee Sedol a aussi été sidéré parce qu'il y avait des coups qui étaient tout à fait anormaux, qui étaient considérés comme tout à fait anormaux. Ouais. Mais ça, le cerveau humain, Yann Lequin, n'arrivera jamais à dépasser la machine dans un exemple comme celui-là ? Pour ce genre de tâches vraiment spécialisées, je pense pas, non. Je pense que effectivement, d'abord, ces jeux sont inventés pour être un défi pour l'esprit humain. C'est-à-dire qu'elles sont difficiles pour l'esprit humain. Bien sûr. Ce dont on s'est aperçu avec ça, c'est que en fait, l'esprit humain est très mauvais à résoudre ce genre de problème. On pensait avant AlphaGo que les meilleurs joueurs de Go étaient très proches du joueur idéal, de ce que les joueurs de Go appellent Dieu. Alors, en Go, ça se mesure par le nombre de pierres qu'on donne au handicap, etc. Donc, on pensait que les meilleurs humains pourraient jouer contre Dieu et gagner avec peut-être une ou deux pierres de handicap. En fait, on s'est aperçu que pas du tout. Ces machines-là peuvent jouer contre des humains, les meilleurs humains, avec 8 ou 9 pierres d'handicap et quand même gagner. Donc, les humains sont beaucoup moins bons. que ce qu'on pensait. Mais pourquoi est-ce que ça a été autant commenté finalement, cette victoire de la machine sur l'homme là? C'était la sidération dans le monde entier quand même. C'est incroyable le nombre d'articles qui sont sortis autour de cet événement. Qu'est-ce que ça a finalement changé dans l'histoire au fond de l'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine aussi? Alors il y a l'histoire que naturellement la science a toujours fait descendre l'humanité de son piédestal. Donc c'est un autre exemple de ça. Je pense que c'est ça qui frappe les esprits, particulièrement en Asie où le Go est vraiment fait partie de la culture, tous les enfants y jouent, etc. Donc je pense que en Asie ça a été encore plus un gros événement qu'en Europe. En fait, en Chine c'est un petit peu l'élément déclencheur qui a causé le gouvernement chinois en fait de focaliser énormément d'efforts sur l'intelligence artificielle. Pour eux, ça a été ce qu'on appelle aux États-Unis un moment Spoutnik, la lancée de Spoutnik dans l'espace, premier objet en orbite autour de la Terre, dans les années 50, enfin 57 si je me rappelle bien, a causé une espèce de déflagration aux États-Unis qui a causé les États-Unis à vraiment se concentrer sur la question de l'exploration spatiale parce qu'ils pouvaient pas être derrière les Russes. Et là, c'est pareil pour la Chine avec l'IA. Ouais. Stanislas Dehaene. Oui, moi je considère que c'est un événement très important. Je suis revenu au labo ce jour-là, j'avais regardé une des parties, la première partie, et je suis revenu au labo en disant c'est un jour historique aujourd'hui. Ah vraiment? Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on y est déjà. Hein. Dans les livres, vraiment j'essaie d'insister sur le fait que l'humanité a encore un cran d'avance extraordinaire, notamment en termes d'économie de la donnée, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup moins de données. Et dans le caractère isotrope de notre intelligence qui s'adresse, quand on regarde la capacité de faire de la science, c'est vraiment extraordinaire. De voir notre espèce qui a quitté la savane africaine, qui a envahi tous les espaces disponibles possibles, y compris la banquise, y compris la Lune, l'espace, et arriver à comprendre aussi tous ces domaines, à comprendre le domaine microscopique, la cosmologie. Donc ça, cet aspect, on a l'impression qu'il y a une sorte de machine universelle, un peu comme on parle de machine de Turing universelle, une machine universelle à comprendre, qui n'a plus de limite ou qui a franchi une certaine limite. Voilà. Alors, je pense que les machines y arriveront. Le cerveau est une sorte de machine, mais on n'en est pas encore tout à fait là, fort heureusement pour l'instant. Alors, il y a des questions des auditeurs pour vous sur franceinter.fr. Jean-Roger qui nous dit ceci. Est-ce que la machine peut décider d'une action de façon arbitraire pour une quelconque situation? Yann Lequin. Arbitraire, c'est-à-dire... les problèmes vraiment qui par elle-même Par elle-même, non. C'est-à-dire que, oui et non, on l'entraîne pour une tâche particulière, prendre des décisions, par exemple, tourner le volant de tel angle quand on conduit une voiture pour éviter un obstacle, etc. Très généralement, les machines essaient d'avoir aussi, essaient de produire en même temps qu'une réponse, une espèce de quantification de l'incertitude de cette réponse, c'est-à-dire de dire je suis vraiment sûr de ce que j'avance ou pas. C'est très important, par exemple, si on essaie d'utiliser la machine pour fournir un diagnostic médical ou ce genre de choses. C'est un autre domaine dans lequel c'est intéressant de voir que le cerveau humain a encore une longueur d'avance. On en discute dans un article récent sur est-ce que l'intelligence artificielle pourra produire une conscience artificielle. Et la conscience, ça veut dire avoir une capacité de recul sur soi-même. Et par exemple, si je me lève le matin et qu'il y a du brouillard, je ne vais pas prendre la voiture. Je veux dire, je suis incapable de conduire. Il faudrait que le Google Car intelligent de l'avenir soit capable de prendre ce type de décision, de dire ce matin, il y a quelque chose qui ne va pas, mes capteurs ne fonctionnent pas bien, ou il y a du brouillard, je ne peux pas conduire, je refuse de prendre cette décision. Alors pour l'instant, c'est vrai que les systèmes artificiels sont capables d'avoir une notion d'incertitude, mais ils n'ont pas ce niveau méta, cette espèce de métacognition que nous avons tous, qui nous permet ce type de réflexion. Les machines n'ont pour l'instant pas de modèle complet du monde, ce qui nous permet d'apprendre de manière très efficace, probablement, enfin c'est une hypothèse pour l'instant, c'est notre capacité à prédire ce qui va se passer avant que ça se passe, à prédire les conséquences de nos actions. Oui. Donc par exemple, si on utilise des méthodes très similaires à ce qui a été utilisé pour AlphaGo, pour entraîner une voiture à se conduire toute seule, c'est-à-dire on met un ordinateur en position de contrôler la voiture et puis on laisse partir la voiture, l'ordinateur pour l'instant n'est pas entraîné. Il va falloir qu'il détruise plusieurs dizaines de milliers de voitures avant de pouvoir conduire correctement. Il va falloir qu'il rentre dans des platanes, qu'il écrase quelques piétons, qu'il tombe de plusieurs falaises avant d'apprendre à ne plus le faire. Et comment se fait-il qu'un humain peut apprendre en environ 20 heures ou 30 heures d'entraînement à conduire une voiture sans causer d'accident. C'est exactement ça, l'intelligence, c'est la capacité d'emmener dans son cerveau des modèles du monde extérieur, ce qui fait qu'on ne prend plus le risque d'interagir avec la réalité, on a le modèle. On a le modèle qui nous dit à l'avance. C'est l'apprentissage finalement, ça aussi. Donc la grosse question, c'est comment on apprend ces modèles? Comment apprend-on ces modèles du monde? Et c'est ce type d'apprentissage, j'appelle ça l'apprentissage auto-supervisé, qu'on ne sait pas reproduire encore dans les machines. On y travaille, mais on ne sait pas encore le faire. Oui, il y a même une question encore plus importante qui est-ce qu'on les apprend vraiment? Parce qu'il y a quand même beaucoup de données en ce qui concerne le cerveau des petits-enfants qui montrent que dès la première année de vie, ils ont déjà une bonne part du modèle du monde extérieur. Autrement dit, leur cerveau et notre cerveau à tous est déjà préorganisé pour s'attendre. C'est ça qui est il y a un câblage qui est non négligeable. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi une architecture dans les réseaux de neurones, bien entendu. Un câblage qui n'est pas complet, qui n'est pas aussi détaillé, mais qui anticipe, dans une certaine mesure, sur ce dont on va avoir besoin pour interagir avec le monde extérieur. Un pré-modèle. C'est le grand débat de Linné et Lackey. Alors, l'histoire récente de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, c'est d'éliminer le plus possible d'innés et de se reposer de plus en plus sur l'apprentissage. Donc l'histoire des sciences cognitives récentes, c'est exactement l'inverse. C'est de montrer que les enfants et les bébés en particulier ont beaucoup plus de compétences que on ne le pensait. Oui, mais que le pensait Piaget, par exemple. Les bébés peuvent aussi apprendre des concepts extrêmement rapidement, avant qu'on puisse... Bien sûr. Alors la grande question du dilemme, justement, Cézanne nous le dit sur franceinter.fr, si une voiture autonome a le choix entre écraser un piéton ou sauver ses passagers, qu'est-ce qu'elle va choisir? Alors, c'est pas un problème en fait. C'est un problème que les gens s'imaginent qui doit être résolu. Parce que c'est un problème éthique qu'on pose souvent dans les assureurs s'y intéressent beaucoup aussi. Hein. Les assureurs s'y intéressent pas énormément. Ah parce bon, que, en fait, c'est des cas qui se présentent pratiquement jamais. Donc, qui d'un point de vue statistique n'ont absolument aucune importance. Évidemment, il faut essayer de sauver les deux. Donc, on va freiner, on va essayer de construire la machine et de la faire conduire de telle manière à ce que ce genre de situation ne se présente pas. C'est ça la première chose à faire. Ensuite, il y a les questions. Par exemple, il y a un passage pour piétons, on peut pas freiner. Et sur le passage pour piétons, il y a une vieille personne ou un nourrisson ou un jeune enfant. Qui on va sauver? Si vous posez la question en Asie ou dans l'Ouest, vous aurez une réponse différente. Ouais, c'est vrai. En Asie, on sauve la vieille personne. Dans l'Ouest, on sauve l'enfant. Donc, c'est très culturel aussi. Très culturel. Jean-Paul nous dit, les fourmis par leur système de coopération et de division de travail, est-ce qu'elles ne développent pas de l'intelligence? Stanislas Dehaene, il y a l'intelligence collective aussi que vous évoquez dans cet ouvrage. Oui, on en parle des animaux, des poissons, des oiseaux. Oui, bien sûr. Et en fait, les organismes multicellulaires que nous sommes sont des collections d'individus. C'est peut-être d'ailleurs un des secrets du cerveau, c'est que non seulement c'est un assemblage de petites machines spécialisées, mais ces machines elles-mêmes, à un moment, étaient des individus, étaient des organismes multicellulaires, si on peut dire, très longtemps. Donc, lorsqu'on regarde comment se construit un cerveau, par exemple, et on en parle un peu dans le livre aussi, les neurones se comportent comme des petits animaux qui grimpent. Par exemple, les neurones pyramidaux du cortex grimpent littéralement sur les lianes qui sont formées par la glie. D'autres neurones inhibiteurs arrivent comme des flots de petits poissons, en quelque sorte, qui viennent se positionner horizontalement dans le cortex. Donc, et ça, chez l'humain, c'est un processus qui prend combien de temps, cette agrégation? Ça se produit au cours de la grossesse, et c'est assez long, parce quand le cerveau naît, quand un petit enfant naît, il a déjà une organisation très forte de son cerveau. Donc, faut pas sous-estimer tous ces événements qui sont produits déjà au cours du deuxième, troisième trimestre de la grossesse, qui ont mis en place un cerveau déjà très câblé. Et même, en fait, in utero, il traite déjà vers le septième mois et demi de la grossesse, il a déjà des informations auditives, il enregistre déjà certaines informations. Mais ça va se poursuivre. Et ce qui est peut-être aussi très particulier à l'espèce humaine, c'est ce prolongement de la plasticité du cerveau. Les synapses restent mobiles pendant une période extrêmement longue, certes, dans certains circuits toute la vie, dans d'autres au moins jusqu'à la puberté, et donc c'est une période beaucoup plus longue que pour beaucoup d'autres espèces. Ouais. Il y a moins de plasticité chez les autres animaux. En tout cas, elle est beaucoup plus courte. Ouais. Donc le système va se figer beaucoup plus rapidement. Alors justement, vous évoquez les neurones, parce que finalement, on a le sentiment que autour de l'intelligence, c'est pas tant le cerveau qui est important, mais le neurone. Est-ce que c'est exact de le percevoir comme ça ou pas? Je sais pas si on peut dire ça, parce que l'architecture compte énormément. Donc nous, on considère que le cerveau est un système multi-échelle. Hein. Non, mais dans le monde vivant, il y a des organismes qui n'ont pas de cerveau et qui se débrouillent très bien. Ils vont pas non plus extrêmement loin. Ouais. Et on se pose même la question de savoir si l'unité de calcul dans le cerveau, c'est le neurone ou c'est la synapse. Auquel cas, il y en a encore plus. Donc la synapse, on rappelle ce que c'est, les synapses sont les points de contact entre les neurones. Alors, dans les réseaux de neurones actuels, artificiels, la plupart du temps, on dit une synapse, c'est un scalaire, c'est un nombre. Un seul nombre, c'est le poids synaptique. Mais si vous allez voir une vraie synapse, Alors vous allez voir un mécanisme beaucoup plus compliqué, avec une régulation, plusieurs systèmes moléculaires, des transmissions dans les deux sens, des systèmes de recapture, et on peut penser que c'est déjà une sorte de microprocesseur. Ce qui fait que notre cerveau est une collection absolument extraordinaire de microprocesseurs. Ça, on n'arrive pas tout à fait à le reproduire actuellement. D'ailleurs, on simule ces réseaux de neurones actuellement artificiels sur des ordinateurs classiques. Mais le cerveau n'est pas un ordinateur classique du tout. C'est une machine extraordinairement parallèle. Alors justement, Yann Lequin, quand on parle de neurones artificiels, on parle de quoi exactement par rapport aux neurones biologiques? Il y a plusieurs types de neurones artificiels, mais disons le modèle le plus répandu et le plus simple, c'est une petite unité qui a plusieurs entrées et une seule sortie, et qui calcule une espèce de somme pondérée, une espèce de moyenne pondérée de ses entrées. Donc il prend ses entrées d'autres neurones à travers des connexions qui sont un petit peu comme des synapses simulées. Et l'efficacité de cette synapse, c'est le poids dans cette moyenne pondérée. Ensuite, cette moyenne pondérée est comparée à un seuil. Si c'est plus grand que le seuil, le neurone s'active. Si c'est plus petit que le seuil, le neurone ne s'active pas. Donc c'est un modèle très très simplifié, un modèle mathématique qui date des années 40. Enfin, c'est plus tellement les mêmes, mais c'est très similaire à ce à quoi on pensait dans les années 40. C'est un modèle très simplifié des neurones, pratiquement une caricature ultra simplifiée. Disons que ces modèles de neurones sont aux vrais neurones ce qu'un avion en papier est à un aigle, si on veut faire l'analogie avec le vivant. Ben oui, c'est une confusion quand même, hein, entre le neurone biologique et artificiel. Surtout, très souvent, on parle de réseaux neurones sans préciser que ce sont des neurones artificiels. Voilà. Alors, donc, il y a cette analogie qui est le fait que le siège de l'apprentissage est le changement des efficacités de ces synapses. Donc, les méthodes d'apprentissage automatique pour les réseaux neurones procèdent par changement de ces efficacités synaptiques. Il y a eu le concept, en fait, vraiment intéressant, qui a été un petit peu révolutionnaire dans les années 50-60, qui est l'idée que l'intelligence, qui est un phénomène très complexe, en fait, peut émerger de l'interaction complexe de systèmes très simples tels que ces neurones. Cette idée-là, en fait, est un petit peu révolutionnaire. Alors, il y a des gens qui avaient des idées de systèmes auto-organisateurs, on peut voir le cerveau comme un espèce de système auto-organisateur. Et l'idée a mis beaucoup de temps, en fait, à faire son chemin et à être acceptée dans le domaine de l'intelligence artificielle pour produire des machines intelligentes. Stanislas Dehaene. Grâce au modèle de réseau de neurones, c'est vrai qu'on s'est habitué à l'idée que l'apprentissage repose sur la force des synapses. Et il y a beaucoup de preuves de ça, mais il faut rester prudent parce qu'il y a d'autres données assez récentes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir de l'apprentissage aussi à l'intérieur d'une cellule, dans ces fameux réseaux moléculaires qui sont quand même très complexes. Et il y a de l'évidence assez récente dans le cerveau, qui nous sert en particulier à ajuster nos gestes, que l'apprentissage reposerait sur une plasticité non synaptique. Si c'est vrai, ça serait déjà une révolution très intéressante en neurosciences et probablement pour l'intelligence artificielle. Parce que vous évoquez, Stanislas Dehaene, justement le comportement social des cellules comme étant une étape importante aussi dans l'évolution de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là exactement? À énormément de niveaux, en fait, un des facteurs importants de l'évolution de l'intelligence, c'est la coopération. Et contrairement à ce qu'on pense, l'évolution darwinienne, c'est pas toujours la lutte, c'est très souvent la coopération. Alors c'est vrai pour les cellules qui s'agrègent pour former un organisme multicellulaire, c'est vrai aussi à un niveau complètement différent, au niveau des primates. Nous sommes une espèce sociale, nous avons exploité peut-être mieux que n'importe quelle autre espèce la capacité de coopérer entre nous, par le biais du langage aussi. Et dans le domaine de la robotique et de la machine, est-ce que la coopération aussi, ça pourrait faire la différence, Yann Lequin? Alors il y a effectivement la coopération à plusieurs niveaux, et le fait que l'intelligence peut émerger de l'interaction entre des neurones. Le fait que l'intelligence collective peut émerger de l'interaction entre des agents intelligents qui s'entraînent simultanément. Donc il y a des expériences dans ce sens, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle multi-agent, où on entraîne plusieurs agents qui sont tous identiques ou quelquefois différents à coopérer pour résoudre un problème particulier. Et on constate dans certains contexte que ces agents peuvent développer des moyens de communication entre eux qui sont très simples. Donc tout ça, c'est simulé sur des ordinateurs. On n'a pas besoin d'avoir peur de propriétés émergentes dangereuses, mais c'est le fait que si on permet à ces agents de communiquer, ils développent spontanément des méthodes de communication entre eux pour permettre de mieux résoudre les problèmes auxquels ils font face. Est-ce que ça vous arrive de parler à vos machines, Yann Lequin? On voudrait bien parler à nos machines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux de par le monde, en particulier à Facebook et à Research, dans le domaine de du dialogue, de la traduction. Donc, tous les systèmes de traduction qui sont utilisés à l'heure actuelle pour traduire les posts sur Facebook, par exemple, utilisent en fait des réseaux neuronaux artificiels qui ont été entraînés sur des grands corpus de textes parallèles. Donc, pour traduire l'allemand au français, par exemple, on a des milliers et des milliers de phrases qui ont été traduites, et puis puis on entraîne la machine à traduire l'une dans l'autre. Et ça, ça marche bien. C'est pas parfait. C'est très loin d'être parfait parce que la machine n'a pas une compréhension profonde du texte, mais ça marche quand même très bien. C'est très utile. Par contre, on voudrait bien, sur Facebook, par exemple, les gens utilisent quelques milliers de langues et on voudrait bien pouvoir traduire quelquefois le swahili en ourdou et on n'a pas de texte parallèle pour ça. Alors, il y a des nouvelles techniques justement basées sur ces techniques d'apprentissage non supervisées ou auto-supervisées qui ont été découvertes par des jeunes étudiants et des chercheurs ici à Facebook et à Research à Paris qui permettent justement de construire des systèmes de traduction qui n'ont pas besoin de voir des textes parallèles. C'est-à-dire qu'on leur présente un corpus de texte en ourdou, un autre en swahili, et ils arrivent à automatiquement trouver la manière de transformer l'un en l'autre. Et le fait que ça puisse marcher sans texte parallèle est extraordinaire. Salut Sazdan. Et à Neurospin, on commence à regarder très près ces réseaux de neurones artificiels de traitement du langage parce que ce sont des modèles potentiels pour nous, en tout cas de ce que fait le cerveau. On a un groupe de travail, c'est moitié-moitié, intelligence artificielle et neurosciences, et on analyse ce que font ces réseaux, c'est extraordinaire, ils ont des prédictions très précises, il devrait y avoir des neurones qui s'allument, par exemple, lorsque j'entends un mot au pluriel, un neurone du pluriel qui s'allume et qui reste allumé le temps qu'il faut. Le neurone du pluriel. Voilà, c'est ce qu'on va chercher maintenant au niveau cérébral. C'est peut-être un peu naïf, mais voilà, c'est une prédiction de ces réseaux. Dernière question de Margot qui nous demande, est-ce que deux enfants qui naissent ont une intelligence égale ? Stanislas Dehaene. Ah, malheureusement, pas totalement. Il y a quand même une architecture tout à fait particulière du cerveau humain qui le rend complètement différent de celui du chimpanzé, par exemple. Donc là, on peut dire qu'il y a une forme d'intelligence générale tout à fait particulière et tous les êtres humains l'ont. Maintenant, évidemment, il y a des fluctuations dans les connexions. On sait qu'on peut prédire, dans une certaine mesure, si un enfant va devenir dyslexique, par exemple, on peut le prédire en partie à l'âge de 6 mois en regardant l'organisation de son cerveau et la réponse aux phonèmes, par exemple. Et les bébés vous inspirent, Yann Lequin, pour les machines aussi Bien sûr, l'apprentissage humain m'inspire beaucoup. En fait, une des raisons, une de mes contributions à l'intelligence artificielle sont ce qu'on appelle les réseaux convolutifs, dont l'architecture est basée, principalement, est inspirée de l'architecture du cortex visuel. Mais je pense que l'intelligence humaine n'est pas aussi générale qu'on le pense. Je pense que les humains sont très, très spécialisés. Bon, la discussion se poursuivra alors une autre occasion et peut-être l'objet d'un autre livre. En attendant, ça s'appelle La plus belle histoire de l'intelligence. C'est chez Robert Laffont avec Jacques Girardon qui vous a réuni pour ce dialogue. Et puis on peut rappeler également ce livre Stanislas Dehaene, Apprendre aux éditions Odile Jacob qui est sorti en septembre dernier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans La tête au carré. La science grand format en partenariat avec France 5. Bonjour David Amiel. Bonjour. Ce soir, 20h50, tout en camon, les secrets de la momie. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur ce pharaon ? Alors effectivement, Mathieu, presque tout le monde connaît Toutankhamon. C'est un pharaon qui, plus que tout autre peut-être, a marqué les esprits grâce à la découverte de sa tombe qui était remplie de trésors par Howard Carter dans la Vallée des Rois. C'était une des seules qui était épargnée par les pillages et qui avait notamment sa momie avec le célèbre masque d'or. Et pourtant, on en sait en fait assez peu sur le roi lui-même, sur son règne. Alors, il a accédé au trône enfant et il est mort assez jeune, je crois. Exactement. Alors, c'était le fils d'Akhenaton, pharaon considéré parfois comme hérétique parce qu'il vénérait le dieu unique Aton. Il est, à la mort de ce dernier, devenu pharaon dès l'âge de 9 ans. Et il est mort environ 10 ans plus tard, aux alentours de ses 19 ans, d'une cause inconnue qui intrigue encore les chercheurs. Alors, on a longtemps pensé qu'il avait succombé des suites d'un accident de char. Mais le documentaire de ce soir remet cela en question et enquête sur les causes de sa mort. Alors, grâce à une nouvelle technologie de scan, on va pouvoir assister à la première autopsie virtuelle du corps du pharaon. Alors, extrait justement de ce documentaire. Cette technologie de pointe permet de créer des images en 3D très détaillées de la momie de Toutankhamon. Waouh, c'est hallucinant les vues qu'on a. On obtient des images en 3D. On peut distinguer les os et les tissus mous. C'est exceptionnel. C'est comme si on voyait à l'intérieur de son corps. Oui, on peut l'observer couche après couche. Le professeur et radiologue Ashraf Selim s'apprête à réaliser le scan complet du roi Toutankhamon. Là, on voit la momie dans son ensemble. Notre autopsie virtuelle va révéler de nouveaux indices. Et quels sont ces nouveaux indices, David, alors ? Alors tout d'abord, on sait maintenant que la plupart des fractures qui sont présentes sur son corps, qu'on pensait être la cause de cet accident de char, auraient en fait été provoquées post-mortem, c'est-à-dire par l'équipe de Howard Carter quand ils ont déplacé la momie à sa découverte. Et on va également découvrir que le roi présentait des pathologies telles qu'il lui était, selon toute probabilité, impossible de pratiquer la course de char, et donc de succomber à un accident. Et puis grâce à une analyse de son ADN, on va aussi pouvoir confirmer de manière définitive l'identité des parents de Toutankhamon et peut-être de découvrir un lourd secret de famille. Oh, donc c'est ce soir, beaucoup c'est de ça. Promesses autour de ce documentaire, Toutankhamon, les secrets justement de la momie. Et c'est à 20h50 dans la case Science Grand Format sur France 5. Merci beaucoup David Amiel, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.